dans les ouais, me parle pas, j'ai mal à la tête. Non, même avec du monde, l'impression d'être seul sur la terre. Ouais, ouais, je suis dans la smart, je fume la pasta, je fume le jaune. J'arrive pas trop à capter, je suis nostalgique, mais je suis jeune. On se parle plus, y'a qu'on papy et qu'on s'aide. Et moi je suis seul, donc on part bronzer dans le sud. Les feux me les bagarres, les coups de couteau au self. Moi je sais pas trop quoi penser, juste que je suis F. On est là avec mes loups. On te monte en l'air, tu regardes chelou. J'fume le vitré. J'm'en rappelle quand on se disait qu'on allait y aller. Toujours la même fumée qu'on inhale. Police me fouille, mais le quatre est calé. J'avance, j'suis un peu trop peiné. J'en ai 3, 5, 7. Comme Béné. J'avance, j'suis un peu trop peiné. J'en ai 3, 5, 7. Sur la haine, j'ai du collal dans du jus. Et toi faut pas que tu me juges, je suis capuché dans la haine. J'ai, si on tend la main, vérifie ce qu'il y a dans la manche. Moi je crois que l'argent en moi, je pousse les petits à vendre de la mâche. Ouais, j'aime pas trop parler, je raccroche, je dois aller. J'ai trop la dalle, donc je vais repasser du plan A au plan B. Ouais, j'ai grandi, je suis dans le D, donc fais pas t'as le DND. Je mange bien, mais je suis seul mon frère, j'ai des coups de saut dans le dos. J'ai trop de vis, vis, j'embrasse le quartier avec les vis. Oh, et si c'est la merde, aujourd'hui, demain c'est la merde. Demain c'est la merde. J'avance, j'suis un peu